ونأخذ معلومات ونفكك بعض العبارات التي تحتاج إلى توضيح من أجل أن نكمل المنهج. يعني ما تعودون إن شاء الله إلا وقد أكملنا هذه المقدمة بإذن الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا مأخوذ من قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية. ليس لآخريته نهاية، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. Donc, avant de commencer, le cheikh a dit qu'on allait essayer de rétrécir un maximum l'explication et d'expliquer des choses qui sont un petit peu ambiguës, qui prêtent à confusion, et d'essayer de terminer aujourd'hui donc le prologue dans toute son intégralité, afin que chacun reparte avec le support dans toute son intégralité, malgré que l'expression ou l'explication elle sera rétrécie. L'auteur, rahimahullah ta'ala, continue donc son explication, son texte, en disant à propos d'Allah qu'il n'a point de commencement ni de fin. Il n'a point de commencement ni de fin. Et il dit ceci est tiré du verset numéro 3 de la sourate numéro 57, sourate al-Hadid, le fer, où Allah dit dans le sens du verset: c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. La croyance des gens de la sunna, c'est qu'Allah n'a pas de début et il n'a pas de fin. Dans le verset, on lit « Huwa al-awwalu wal-akhiru ». « Huwa », le damir ici, c'est-à-dire le pronom, comme dans la traduction, vous l'avez entendu, c'est lui le premier. C'est qui lui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالكنه هو الحقيقة، يعني لا يستطيع أحد من البشر أن يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يصفه سبحانه وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات تختلف عن صفات البشر لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية، وأن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، بعضها مشترك مع صفات المخلوقين، لكن في الاسم فقط، لكن في الاسم فقط، أما الصفة والحقيقة فهي تختلف. وقد ظل في هذا الباب ثلاث فرق. في هذا الباب ظلوا كم؟ ثلاث فرق. الفرقة الأولى المشبهة، والفرقة الثانية المعطلة، والفرقة الثالثة الواقفة. ثلاث فرق، أعيدها: المشبهة والمعطلة والواقفة. والمشبهة انقسموا إلى قسمين: مشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق، والقسم الثاني شبهوا المخلوق بالخالق، عكس القسم الأول شبهوا الخالق بالمخلوق، والقسم الثاني شبهوا المخلوق بالخالق. فالذين شبهوا المخلوق بالخالق هم النصارى. هم النصارى ادعوا أن لله عز وجل ولد، فقاسوا الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على البشر، فقالوا أن لله عز وجل ولد، وهذا طبعا لا يجوز، وجعلوا هذا الولد إله وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق، فنظروا في صفات الرب سبحانه وتعالى أو بعض صفات الرب كاليدين والعينين والسمع والبصر إلى آخره، فأثبتوها لله سبحانه وتعالى، أثبتوها لله سبحانه وتعالى على طريق المشابهة، فشابهوا بين الخالق وإيش والمخلوق، شابهوا بين الخالق والمخلوق. والله عز وجل نفى الرد عليهم، نفى أو رد على هذه الطائفتين، هذه الطائفة المشبهة لم يكن له في صورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع موجود عند الله سبحانه وتعالى وكذلك عند البشر، لكن في الاسم فقط، أما الصفة والكن والحقيقة تختلف، لا نعرف كيفية سمع الله سبحانه وتعالى ولا بصر. هذا المشبهة، النصارى شبهوا المخلوق بالخالق. Donc le cheikh continue son explication avec le texte de l'auteur rahimahullah ta'ala dans lequel il dit que l'essence de ses attributs échappe à la description des hommes, que l'essence de ses attributs échappe à la description des hommes. C'est ce qu'on appelle en arabe al-kunh. Al-kunh, c'est quoi? C'est al-haqiqa. C'est-à-dire comment Allah il est réellement. Comment Allah il est réellement. Et les êtres humains, personne ne peut atteindre le comment d'Allah. Comment Allah il est réellement. Comment Allah il est réellement. Mais la voie des gens de la sunna, c'est d'attribuer, d'affirmer les noms d'Allah ainsi que ses attributs. Sans tashbih, sans ressemblance, sans ta'til, sans rejeter, sans tekyif, sans établir le comment et sans tamthil, sans établir l'équivalence. Qu'Allah est équivalent à ça ou pareil que cela, etc. Conformément au verset 11 qu'il y a dans Sourate Shura, la Sourate numéro 42, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir » C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, les attributs d'Allah sont différents des attributs de ses créatures. Les attributs d'Allah sont différents des attributs de ses créatures. On ne connaît pas le comment. La na'lamu al-kayfiyya. Il y a certes des convergences entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures, mais seulement dans l'appellation, dans le nom. Al-ishtirak, c'est-à-dire les convergences ou les équivalences, c'est seulement au niveau du nom. C'est seulement au niveau du nom. Sinon, la réalité de l'attribut et le comment de l'attribut, il est différent. Et de là, donc, trois catégories de fractions, trois catégories de sectes se sont égarées sur cette croyance. Il y a al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui ont fait ressembler, qui ont établi la ressemblance. On va voir que ça se décompose en deux. Il y a la deuxième catégorie, al-mu'attila, ce sont ceux qui ont renié ou qui ont rejeté. Et il y a al-waqifa, ceux qui se sont arrêtés et abstenus d'affirmer ou d'infirmer à ce propos. Concernant al-mushabbiha, la première catégorie, ceux qui font, établissent la ressemblance, il se décompose en deux. Ceux qui font ressembler le créature, le créateur à la créature, et ceux qui font ressembler la créature au créateur. Je répète, ceux qui font ressembler le créateur, al-khaliq, à la créature, al-makhluq, et ceux qui font ressembler al-makhluq, la créature, au créateur, al-khaliq. Et on a parmi ceux-là, ceux qui font donc ressembler la créature au créateur, on a par exemple les chrétiens qui ont affirmé qu'Allah a enfanté ou qu'Allah a engendré. Ils ont affirmé al-walad lillah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a eu un enfant, et ils l'ont caractérisé de divinité ilah, et ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Or ceux qui ont fait ressembler le créateur à la créature, Ils ont affirmé certaines choses telles que le sama' ou le basar, le fait qu'Allah entend, voit, ou la créature elle entend, elle voit. Et ils ont dit donc, c'est pareil pour l'autre. Également, Allah voit et entend. Or, Allah a affirmé des choses et infirmé d'autres. Dans les versets dans Surat al-Ikhlas, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. C'est-à-dire, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ, il n'a point engendré, il n'a point été engendré. Il n'a point engendré et il n'a point été engendré. Et dans le verset qu'on a vu avant, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Je répète, donc c'est le verset 11 de la Surat 42, Shura, la consultation, dans lequel le sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. الطائفة الثانية هم المعطلة, هم المعطلة والتعطيل على قسمين, تعطيل كلي وتعطيل جزئي. أهل التعطيل الكلي هم طائفتان, الجهمية والمعتزلة, هم الجهمية والمعتزلة. وأهل التعطيل الجزئي هم الأشاعرة والماتريدية والمفوضة, الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. يعني كم صار عندنا فرقة؟ أربعة في التعطيل, صار عندنا أربعة, الأشاعرة أو الماتريدية من الأشاعرة. فنبدأ بالتعطيل الكلي, هم الجهمية الذين جحدوا جميع الأسماء والصفات, حكم عليهم جمهور السلف بأنهم كفار, أنهم كفار, عطلوا يعني جميع الأسماء والصفات. الله عز وجل لا سميع لا بصير لا أي شيء, هذا تعطيل كلي. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات, فقالوا الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, وهذا طبعا تعطيل كلي. ما الفائدة إذا كان سميع لكنه بلا سمع؟ هذا كلام غير صحيح, كلام باطل. هذا بالنسبة للتعطيل الكلي. التعطيل الجزئي هم الأشاعرة والماتريدية, أثبتوا سبع صفات وأول الباقي, أول الباقي. وأيضا هذا بدعة ولا يجوز, ولكنه تعطيل جزئي, عطلوا بعض الصفات, بعض الصفات عن المعاني. والمفوضة أثبتوا الأسماء وفوضوا المعاني, فوضوا المعاني. يعني إذا جاءوا إلى آية إن الله على كل شيء قدير أو السميع البصير, يثبتون هذا القدرة لله عز وجل, صفة القدرة, لكن لا يقولون قادر على كذا وكذا, قادر, يعني فوضوا, لا يسألون عن المعاني. وهذا أمر محدث ومبتدع ولا يجوز, ولا يجوز. الفرقة الثالثة, احنا قلنا المشبهة والمعطلة, والثالثة ايش؟ الواقفة. الواقفة مشكلتهم في القرآن الكريم, في القرآن الكريم عندهم مشكلة. وقفوا, قالوا القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن إيش؟ منزل غير مخلوق. وأهل البدع يقولون أن القرآن إيش؟ مخلوق. لكن هؤلاء الواقفة قالوا نحن لا نقول منزل أو أنه غير مخلوق, نسكت. وهذا طبعا صار من أسوأ, أو صارت هذه الفرقة من أسوأ الفرق كما نص على ذلك ابن تيمية, فصارت ضالة, لأن في القرآن الكريم أسماء كثيرة وصفات كثيرة. فهم وقفوا, يعني معنى ذلك أنهم وقفوا عن الأسماء والصفات, وهذه من شر الفرق, من شر الفرق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه, أما بعد, الشيخ فواز حفظه الله تعالى كما بخزارم وكنتينيوه. Donc son commentaire, en abordant le cas des annulateurs, Mu'attila, en expliquant qu'ils sont de deux catégories. Ceux qui se sont rendus coupables d'un ta'til, c'est-à-dire d'une annihilation, d'une annulation totale et ceux qui se sont rendus coupables d'une annihilation ou annulation partielle. Concernant l'annihilation totale, cela concerne les Jahmiya et les Mu'tazila. Quant à celle qui est partielle, elle est l'œuvre, entre guillemets, des Asha'ira et des Maturidiya, et également des Mufawwida. Donc nous avons ici quatre factions qui sont concernées par ce procédé innové et interdit qu'est le ta'til, l'annihilation ou annulation. Revenons donc à l'annihilation totale qui, comme nous l'avons dit, est l'œuvre des Jahmiya. Les Jahmiya qui ont été taxés de mécréants par les pieux prédécesseurs de cette communauté. Nos pieux prédécesseurs ont statué de la mécréance des Jahmiya du fait qu'ils ont nié les noms et attributs. C'est ainsi qu'ils ont nié le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit al-Sami' ou soit al-Basir, celui qui entend, celui qui voit. Quant aux Mu'tazila, ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, à titre d'exemple, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est al-Sami', donc littéralement celui qui entend, mais ils ont dit il n'entend pas, donc cela reviendrait à dire celui qui entend sans entendre, ou qu'il est al-Basir, celui qui voit mais sans voir. Ils ont donc affirmé les noms mais nié les attributs. Concernant l'annihilation ou l'annulation partielle, nous avons dit donc que cela était l'œuvre des Asha'ira et autres Maturidiya. Na'am. Qui, donc les Asha'ira qui ont affirmé sept noms et qui ont interprété le restant, ou sept attributs plutôt, excusez-moi. Ils ont affirmé sept attributs et ils ont interprété le restant des attributs. Quant aux Mufawwida, ce sont ceux qui affirment les noms mais qui délèguent le savoir relatif au sens de ces noms à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'ils disent nous affirmons les noms mais nous n'en connaissons pas les sens, et ils délèguent le savoir de cela à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là un procédé inventé et innové et interdit. Donc le cheikh a eu l'occasion de parler des mushabbiha, ceux qui ont établi une ressemblance entre la créature et le créateur, entre le créateur et les créatures, comme vous avez pu l'entendre précédemment. Puis il a parlé des mu'attila, les annulateurs, donc littéralement. Et il a également parlé des waqifa. Les waqifa, ce sont ceux qui s'abstiennent de se prononcer. Et cela, ils sont d'autant plus concernés par le sujet ou la question du Coran. Que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est incréé. Quant aux partisans de l'innovation, ils prétendent que le Coran est créé. Quant aux waqifa, ils s'abstiennent de confirmer la parole des adeptes de la sunna et d'infirmer le discours des partisans de l'innovation, et ils ne se prononcent pas. Et leur position compte parmi les pires des positions. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah a dit que cette faction-là compte parmi les pires des factions innovées. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ولا يحيط بأمره المتفكرون سبحانه وتعالى. نعم لا يحيط بالله عز وجل أحد من البشر لا في ذاته ولا في أمره لا في ذاته ولا في أمره لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، بمعنى آخر أمر عام وأمر خاص. لكن عند في اصطلاح العلماء يقولون أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. الأمر الكوني القدري هو ما يجري في الكون من خير وشر وصحة ومرض وغنى وفقر إلى آخره، كل الذي يحصل في الكون يدخل تحت الأمر الأول، مسلم وكافر إلى آخره. هذا جاء فيه نص الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قبل أن يخلق الله السماوات ب50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة. هذا الكون القدري. القسم الثاني الدين الشرعي، وهو ما يتعلق بالأوامر والنواهي، بالطاعة والمعصية. هذا يسمى أمر ديني شرعي، وهذا خاص بمن؟ بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين ما جاء في هذا الباب. فهذا خلاصة هذه الجملة: ولا يحيط بأمره المتفكرون. Donc ensuite l'auteur rahmatullahi alayh continue en disant que les esprits humains ne peuvent l'embrasser, que les esprits humains ne peuvent l'embrasser. Al-ihata, c'est-à-dire le fait de l'entourer ou de l'englober, etc. Il dit ici l'ordre d'Allah, l'amr, il se décompose en deux. Il y a ce qu'on appelle l'amr al-kawni, il y a ce qu'on appelle l'amr al-shar'i al-dini. C'est-à-dire, il y a si vous voulez l'ordre universel et l'ordre religieux, l'ordre religieux. Ou d'une autre expression, on pourrait dire l'ordre général et l'ordre spécifique. Mais les ulama, les théologiens, les savants ont utilisé ces termes-là, amr kawni et amr dini shar'i. L'amr al-kawni, c'est quoi? Par rapport à tout ce qui est universel, c'est ce qui se passe dans l'univers. C'est ce qui se passe dans tout l'univers, tel que le bien, le mal, la richesse, la pauvreté, un tel est musulman, soumis, un tel est mécréant, etc. Ceci conformément au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, lorsqu'Allah a créé la plume, première chose qu'il lui a ordonné de faire, c'est d'écrire. Et la plume a demandé, qu'est-ce que je dois écrire? Il lui a dit, il lui a répondu, subhanahu wa ta'ala, écris maqadir kulli shay, c'est-à-dire ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps, ce qui a été prédestiné, ce qui a été prescrit pour toute chose jusqu'à la fin des temps. Et ceci avant la création des cieux et de la terre, d'une période de 50 000 ans. C'est ainsi que ça a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ça c'est donc l'ordre kawni, universel. Amma al-amr al-dini al-shar'i, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la religion, il s'agit ici des ordres religieux, des restrictions religieuses. At-ta'a wal-ma'siyah, l'obéissance et la désobéissance. Et ceci ne concerne donc khas bil mu'minin, ça ne concerne que les croyants. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. معنى هذا الكلام أو هذه العبارة أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتفكرون في الآيات، والآيات إذا أطلقت فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آيات قرآنية وآيات برهانية وآيات كونية. تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: آيات قرآنية المعروفة، القرآن الكريم، والآيات البرهانية هي المعجزات التي تحصل للأنبياء، والآيات الكونية هي ما هو موجود في الكون مثل السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره والنجوم، هذه أمرنا بالتفكر فيها كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إيش ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه ثلاث آيات يجوز لنا أن نتفكر، بل يعني يجب علينا أن نتفكر لأن هذا مما يزيد الإيمان. وقول المؤلف: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني الله سبحانه لا يصل بالإنسان أن يحاول يتفكر في ذات الله كيف الله، لكن نتعرف على المعاني، معاني الأسماء والصفات هذا جائز ونتفكر فيها، لكن الذات لا يجوز. ولذلك الإمام مالك لما دخل رجل، الإمام مالك لما دخل عليه رجل قال له: كيف استوى الله؟ فبعد ساعة أجاب الإمام مالك وقد علاه الغضب، فقال السؤال، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأخرجوه. فكان الإمام مالك شديد، كان شديدا على أهل البدع، وهذا يبين لنا أن البدعة ضررها خطير جدا، ولا يعرف الخطر هذا إلا أهل العلم. ولذلك نرى العلماء يشتدون في التحذير من البدع والأمر بالسنة، لأنهم يعرفون أن مرتبة البدعة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإمام مالك طرده من المسجد. لو اليوم أحد العلماء فعل هذا الفعل وطرد أحد المبتدعة من المسجد أو من المجلس نقول أو من بيته، ماذا سيحصل؟ يشنعون عليه: هذا شديد، وهذا فيه غلظة، وهذا فيه شدة، وهذا فيه جفاء. لكن ما قرأ كلام السلف، ما قرأ مثل هذه المواقف، موقف الإمام مالك. الإمام مالك دار الإمام، دار الهجرة، المدينة النبوية، مهبط الوحي، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالإمام مالك اشتد على هذا كله إيش؟ دفاع عن الدين، كله حماية لجناب السنة. فإلى الله المشتكى من غربة الدين. نعم le cheikh a continué en expliquant donc le passage dans lequel l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceux qui méditent tirent un enseignement de ces signes. Ils ne peuvent cependant méditer sur son essence. Il a donc expliqué que le terme utilisé ici, à savoir le terme ayat, il peut revêtir plusieurs sens. Cela peut viser les signes en tant que verset coranique. Cela peut également viser les signes en tant que miracle. Et cela peut également viser les signes cosmiques relatifs à la, à ce qui se passe dans la création, le soleil, la lune, et ainsi de suite. Et le shir de citer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la traduction approximative du sens est: il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence, ceux qui se rappellent Allah lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis ou lorsqu'ils sont appuyés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre et disent: ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, pureté à toi, préserve-nous donc du châtiment de l'enfer. Il est donc permis, voire même obligatoire, de méditer à propos des signes des ayats d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shaykh donc au préalable a pu nous expliquer ce que cela pouvait revêtir comme divers sens. Puis le shaykh a expliqué que l'être humain ne doit cependant en aucun cas méditer sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas chercher à méditer sur son comment. Et il a cité dans ce registre-là un récit qui a été rapporté de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lorsqu'un individu est venu le voir en le questionnant à propos de l'attribut de l'istiwa, que l'on peut traduire de manière approximative par l'élévation ou l'établissement. Et il lui a dit, comment s'est-il élevé ou comment s'est-il établi? L'imam Malik rahimahullah ta'ala a alors ressenti de la gêne et s'est mis en colère. Et il lui a dit, l'istiwa, l'établissement ou l'élévation est connu. Et le comment est inconnu. Et le fait d'apporter foi en cela est obligatoire. Et de poser, et le fait de poser une question et de questionner à ce sujet est une innovation. Puis il a dit, en s'adressant à ce personnage, et je ne vois en toi qu'une mauvaise personne. Et c'est alors qu'il a ordonné que cet individu soit expulsé de la mosquée. L'imam Malik était donc dur face aux partisans de l'innovation. Et en réalité, seuls les ulama se rendent réellement compte de la gravité de l'innovation. Car il faut savoir que l'innovation est, après le polythéisme, ce qui est le plus aimé d'Iblis, du diable. Puis le shir de continue en disant que si cela venait à se passer à notre époque, et qu'un savant venait à faire sortir un individu de la mosquée à cause du fait que ce dernier aurait proféré ou défendu une quelconque innovation, taxerait ce savant d'être quelqu'un de dur, d'être quelqu'un d'intransigeant, et on le critiquerait. Ce genre de personne qui porterait ce genre de critique-là, en réalité, n'a pas analysé les récits qui ont été rapportés de nos salafs, et n'a pas réellement pris connaissance, notamment de cette réaction de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a réagi de la sorte. Et s'il a réagi de la sorte, c'est pour protéger la religion et pour préserver la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله استدل بقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه جزء من آية الكرسي, جزء من آية الكرسي, وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. قال ولا يحيطون بشيء من علمه, فقلنا أو قال المؤلف قبل قليل على أنه لا يحيط بذات الله ولا بأمره أي مخلوق إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش, الكرسي كما قال ابن عباس أنه موضع لقدمي الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لنا أن نسأل كيف الكرسي, كيف الكرسي, لا نسأل عن الكيفية, نؤمن بهذا الشيء وهي من المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. وسع كرسيه السماوات والأرض, هذا موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما, ولا يؤود حفظهما, حفظ السماوات والأرض, يعني لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض. ولذلك رفع الله عز وجل السماوات بغير عمد ترونها, وكذلك الأرض حفظها في وسط الكون فهي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى ولا يعجزه, وهو العلي العظيم. اختتم هذه الآية بصفتين عظيمتين, الأولى صفة العلو والثانية صفة العظمة. فالعلو, علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام, علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علوه بذاته سبحانه وتعالى، علوه سبحانه وتعالى بذاته، والثاني علو الله سبحانه وتعالى بعظمته سبحانه وتعالى، والثالث هو علو القهر والغلبة، علو القهر والغلبة. وأهل البدع لم ينازعوا إلا في إيش؟ في علو الله بذاته، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا كيف يكون الله عز وجل فين؟ في العلو. ومن هذا نتج عندنا كم فرقة؟ فرقتين: الحلولية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، حال في كل مكان، والاتحادية، هذه أيضا فرقة ظلت في هذا الباب، قالوا أن الله متحد مع كل مخلوق، وكلا الطائفتين كلاهما طائفتان كفريتان واعتقاد فاسد. أما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في الأعلى في السماء، ولكن معنا أو مع المؤمنين بحفظه ورعايته وكلاءته. ثم استدل بالصفة الثانية: العظيم، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العظمة كما جاء في الحديث: العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في شيء أو من نازعني واحدة منهما قذفته في النار، قذفته في النار. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية صفتان: صفة العلو وصفة العظمة. والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما قذفته في النار. Ensuite, l'auteur, rahmatullahi alayh, a continué en citant une partie du verset Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, le verset du pose-pied, qui est le verset 255 dans Sourate al-Baqarah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Donc le verset 255 dans Sourate al-Baqarah. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Donc la fin du verset 255, la sourate numéro 2, sourate Al-Baqarah. Ce verset, Ayat al-Kursi, donc le verset du pose-pied, c'est A'adam Ayat al-Qur'an. C'est le verset le plus glorieux, le plus valorisé de tout le Coran, dans toute son intégralité. Et comme on a cité auparavant, personne ne peut englober Allah sauf, ou connaître de lui sauf par ce qu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu donc dans le verset, il connaît leur passé et leur futur, de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. De sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Et il faut savoir que le kursi, ce qu'on traduit par le pose-pied, ce n'est pas la même chose que l'arche, ce qu'on traduit par le trône. Comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, Al-Kursi mawdi'u qadamay ar-Rabb azza wa jalla. C'est-à-dire que le kursi, le pose-pied, c'est la place où Allah a ses pieds, subhanahu wa ta'ala. Al-Kursi. Donc ne pas confondre entre Al-Kursi et Al-Arsh. Et il ne faut pas demander non plus le comment. Comment est le kursi, le pose-pied, comment il est? Ce n'est pas une question qu'il faut poser. Et dans le verset, on a « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard ». Je vais redire le verset dans son intégralité. « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Malgré cela, malgré que la taille du kursi, le fait que wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, comme c'est traduit ici, que le kursi déborde les cieux et la terre, malgré cela, il ne faut pas interroger sur son comment, et Allah a élevé les cieux sans qu'il y ait des piliers que l'on puisse voir, qui retiennent le ciel pour ne pas, ou les cieux pour ne pas qu'ils tombent, car Allah outrepasse toute mesure, subhanahu wa ta'ala. Et il a terminé le verset par deux attributs, qui sont deux attributs grandioses, wa huwa al-aliyyu al-azim, wa huwa al-aliyyu al-azim, donc c'est lui le très haut, et c'est lui le très haut, et c'est lui le très grand. Al-Ali, de là on tire sifat al-ulu, l'attribut de l'élévation, le fait qu'Allah est élevé. Et l'élévation d'Allah se décompose en trois. Il y a ulu al-zat, wa ulu al-azama, wa ulu al-qahri wal-ghalaba. C'est-à-dire ulu al-zat, le fait qu'Allah est élevé de par son essence, de par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ulu al-azama, c'est de par sa valeur, son caractère glorieux, Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. Et al-qahr, c'est ce qu'on traduit par la domination. La domination, al-qahir. Il a donc al-qahr wal-ghalaba, c'est-à-dire qu'il vainc tout et qu'il domine toute chose. Et les adeptes des innovations, Ahl al-Bida', n'ont divergé avec les gens de la Sunna que sur un de ces trois aspects, qui est ulu al-zat, le fait qu'Allah est élevé de par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Car ils ont fait la ressemblance entre le Créateur et la créature. Entre le Créateur et la créature. Et de là sont nés deux fractions, deux sectes principales qui ont comme attribut al-hululiyya et d'autres al-ittihadiyya. Al-hululiyya, ce sont ceux donc qui prétendent qu'Allah est en toute chose et en tout lieu. Halun fi kulli makan. Qu'Allah est en toute chose et en tout lieu. Par contre, al-ittihadiyya, ce sont ceux qui prétendent que le créateur et la créature, ou la créature et le créateur ne font qu'un seul. C'est les adeptes du panthéisme. Or, la croyance des gens de la Sunna, c'est que Allah, il est fils sama. Allah, de par lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de toute chose, et il est avec nous de par sa préservation, de par al-hifd wal-kala wal-ri'aya, c'est-à-dire le fait qu'il préserve ses créatures et qu'il veille sur eux, etc. Et le deuxième attribut, c'est donc al-azim, qui est traduit par le très grand, qu'Allah est azim, très grand. Et comme il est venu dans le hadith, al-kibriya ou rida'i, kibriya c'est donc sa grandeur, c'est traduit parfois par orgueil, rida'i c'est un de mes attributs, wal-azamatu izari, et le caractère très grand est également un de mes attributs. Man naza'ani wahidatan minhuma, c'est-à-dire celui qui veut s'attribuer ou s'approprier un de ces deux attributs, qadaftuhu fi an-nar, je le jetterai en enfer. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. ذكر المؤلف بعض الأمثلة على بعض الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فقال العالم الخبير. العالم والعليم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، لكن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم البشر، عن علم المخلوقات. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء. الخبير يعني ذو الخبرة سبحانه وتعالى، يعلم بواطن الأمور وظواهرها سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المدبر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الذي يدبر شؤون المخلوقات جميعا ويعرف أحوالهم ويدبر شؤونهم سبحانه وتعالى، كما قال يدبر الأمر يفصل الآيات. القدير يعني ذو القدرة سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، لكن المخلوق يكون فيه ضعف، وإذا كانت فيه قدرة فتكون قدرة جزئية. والسميع البصير أيضا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى كما سبق معنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والعلي الكبير، العلي سبق معنا أيضا في العلو، وقلنا العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الله بذاته، وعلو الله يلا ها بعظمته ها وقهره، والثالث القهر والغلبة. نعم، 3: علو الله عز وجل بالذات وبالقهر وبالعظمة. طيب، والكبير، فالله عز وجل أكبر من كل شيء، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. هذه أمثلة ذكرها المؤلف على باب الأسماء والصفات. نعم. للشيخ حفظه الله تعالى كما البريزير va continuer en commentant les propos de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans lesquels il dit à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est l'omniscient dont le savoir embrasse tout ce qui est apparent, aussi bien ce qui est apparent que subtil. Il est celui qui dirige tout, l'omnipotent, celui qui entend et voit tout, le très haut, le très grand. Puis donc il est revenu sur chacune des composantes de ce passage-là, en expliquant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est al-alim, kalman al-alim, dont le savoir englobe toute chose. Et il est également al-khabir, celui qui a le savoir de ce qui est subtil et caché. Et à ce titre-là, il a fait mention du verset de Surat Ra'd, dans la traduction approximative du sens, est « sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. » Puis il a continué en expliquant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est al-mudabbir, dans le sens où il dirige l'ensemble des affaires de sa création, et qu'il est al-qadir, c'est-à-dire l'omnipotent. Allah tabaraka wa ta'ala est l'omnipotent. Et également donc il a expliqué qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il avait eu l'occasion de l'aborder au préalable, est al-sami' al-basir, celui qui entend et voit tout. Et au préalable, le shaykh avait eu l'occasion de faire mention de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative du sens, et nul ne lui est similaire, et il est celui qui entend et voit tout. Et également, l'auteur a dit Al-Ali, Al-Kabir, le très haut, le très grand. Et le shaykh a récapitulé donc avec nous les différentes sortes de ulou, que l'on peut traduire donc par l'attribut de la hauteur, na'am, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le très haut. Et cela donc se manifeste ou est de 3 sortes, comme nous l'avons vu au préalable. Ulou al-dhat, donc ce qui est relatif à son essence, à son être. Ulou al-azama, ce qui a valeur. Et également, et à son caractère glorieux, na'am. Et troisièmement, ce qui est relatif à sa domination. Et il est donc al-kabir, le très grand. Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand que toute chose. هنا تنبيه يقول لو تكرمتم من فضلكم أن تنبهوا النساء والأخوات على التزام الصمت والإنصات لما هو لهم نفع. أقول هذا أمر مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس علم، فكان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني ما يتحركون ولا يتكلمون ولا يلتفتون، أدب نبوي كريم لماذا؟ لأن هذه المجالس تغشاها الرحمة وتنزل فيها الملائكة، يعني الملائكة معنا يحضرون هذه المجالس، فأقل شيء أننا نحترم الملائكة الذين هم معنا. ومن الآداب التي تعلمناها ورأيناها من مشايخنا ما أحد يستطيع الكلام، من قلة الأدب أن يتكلم طالب العلم أو طالبة العلم في مجلس الشيخ، من قلة الأدب هذا، وهذه من خوارم طالب العلم. فطالب العلم الرباني الذي يطلب العلم لله سبحانه وتعالى يخشع ويتأدب ويشعر أن الملائكة تحيط به، لأن هذا مجالس ذكر ومجالس فيها أجر، تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر أو في الماء، فهذا فيها أجر عظيم يحتسب الإنسان، كلها لحظات وبإذن الله ننتهي. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. هذا صفة العرش لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة العرش، وقبل ذلك صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا العرش فمعناه أن الله سبحانه وتعالى مستو على ماذا؟ على العرش، مستو على العرش. وقد وردت في الاستواء 7 آيات في القرآن الكريم، لكن أهل البدع حرفوها وغيروها، فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، مستو على عرشه وهو في كل مكان بعلمه. فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته. ومعية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات فهو معهم، ولكن هناك معية خاصة لمن؟ للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله معنا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكهف في قصة الكهف الهجرة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم. نعم. Donc avant de poursuivre, on a reçu un petit papier de sœurs qui se plaignent d'autres sœurs concernant le fait qu'elles parlent et qu'elles ne se taisent pas. Donc elles demandent au chef de faire une petite parole courte et brève, concise et profitable pour qu'elles se taisent. Et donc le chef demande aux sœurs de se taire et il dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les assises de science notamment, se taisaient, ils se taisaient comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête. Ils ne bougeaient pas, ils étaient concentrés et ils méditaient et réfléchissaient sur ce qu'ils entendaient. Et ça, c'est un adab nabawi karim, c'est-à-dire que c'est un caractère à entreprendre, à respecter, émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa voix, de sa méthodologie, de sa ligne de conduite, et c'est quelque chose de louable. Et de ce qu'on a appris de nos professeurs, de nos enseignants, c'est que ces assises, comme c'est cité dans le hadith, sont entourées par la miséricorde d'Allah, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges sont présents. Donc c'est un manque de respect même envers les anges. Le fait de ne pas être concentré, de ne pas se méditer, le fait de déranger les autres dans ce type d'assises. Et également le fait de parler en présence du professeur, parler en présence du cheikh. Le cheikh est en train d'expliquer des choses importantes et des personnes qui parlent en même temps, qui discutent de choses et d'autres. Or l'étudiant talib al-ilm al-rabbani, quelqu'un qui étudie la science et qui est sincère et qui est dévoué dans ce qu'il est en train de faire, yarsha' wa yata'addab, c'est-à-dire que il est concentré, il médite, il entend, il cherche à comprendre et à tirer profit de ses assises, et il se comporte d'une bonne manière dans ses assises. Comme on a cité auparavant, les anges demandent pardon en faveur des personnes qui sont présentes, qui cherchent à s'instruire, etc., et même les poissons dans l'eau. ce ne sont que de courts instants, et après le cours prendra fin et tout le monde pourra discuter ou parler de choses et d'autres. Continuons donc cet épître concernant la croyance. Ici on rentre maintenant dans l'explication relative à l'Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses attributs, ses caractéristiques. Et le fait qu'on a attribué l'Arsh, le trône, et qu'Allah est établi ou élevé sur son trône. Al-Istiwa, l'établissement ou l'élévation sur le trône, est cité dans 7 versets. Dans le Coran tout entier, il y a 7 versets qui affirment qu'Allah est établi ou élevé sur son trône. Mais les gens de l'innovation ont falsifié l'essence justement de ces versets. Et on a aussi Al-Ma'iyya, donc le fait qu'Allah est avec nous, comme on a cité auparavant, Annallaha ma'ana, c'est-à-dire il est avec nous de par deux aspects. Quand on dit qu'Allah est Al-Ma'iyya, qu'il est avec nous, ceci englobe deux aspects. Il y a Al-Ma'iyya Al-Amma, c'est-à-dire le fait qu'Allah est avec nous de manière générale. C'est dans le sens qu'il est avec toutes ses créatures. Il est avec toutes ses créatures. Il sait ce qu'elles font, etc. Et on a Al-Ma'iyya Al-Khassa, donc le fait qu'Allah est avec ses créatures de manière spécifique, c'est-à-dire il est avec les croyants de manière spécifique. Comme Allah a cité dans le verset 43 de la sourate 33, les coalisés, l'Ahzab, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, et il est miséricordieux envers les croyants. Et il est miséricordieux envers les croyants. Donc ça c'est spécifique aux croyants. Et on a également dans sourate Tawbah, dans la sourate numéro 9, où il est cité dans le verset لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, c'est-à-dire ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Le verset 40 de la sourate 9, Tawbah, le repentir ou le désaveu. Donc le verset 40 de la sourate numéro 9, le repentir, Inna Allaha ma'ana, Allah est avec nous de par son aide et de par son soutien. Donc Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah est avec nous, se décompose en deux, de manière générale et de manière spécifique. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الجمل مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى, فقال خلق الإنسان ويتوسوس به نفسه, إثبات لصفة الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع المخلوقات وهو أدرى بهم من أنفسهم ما توسوس به أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر ويعلم قبل أن توسوس سبحانه وتعالى, وهو أقرب إليه من حبل الوريد, هي العروق التي في العنق, هذا حبل الوريد. وللسلف تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول أن الله سبحانه وتعالى ما دل عليه ظاهر الآية أن الله قريب من عباده بإحاطته وعلمه, بإحاطته وعلمه. التفسير الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, أي الملائكة, هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال يكتبان الخير والشر, ما تقول به, ما يلفظ من قول إلا لدينا إيش, رقيب عتيد, ملك عن اليمين وملك عن الشمال. وليس هذا من باب التأويل المذموم. لماذا؟ لأن الملائكة أيضا من أمر الله سبحانه وتعالى وبأمر الله عز وجل يفعلون هذا الأمر, فهو داخل في المعنى الأول ولكن زيادة إيضاح. فهذا ليس تفسير مذموم أو تأويل مذموم, إنما هو تفسير سلفي, تفسير سلفي. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا دليل على علم الله عز وجل وإحاطته, وأنه قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, حتى الورقة يعلمها. حتى الحبة في ظلمات الليل يعلمها سبحانه وتعالى، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. Le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, a continué en abordant la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé l'être humain et il sait ce que son âme lui insuffle, et il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Et il n'est pas une feuille qui ne tombe sans qu'il en ait le savoir, ni une graine qui ne tombe dans les ténèbres de la terre, ni quoi que ce soit qui ne soit humide ou sec sans que cela ne soit inscrit dans un registre manifeste. Donc ici, le Cheikh a expliqué que le début de ce passage est tiré directement d'un passage coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit il a créé l'être humain et il sait ce que son âme lui insuffle. Donc ici on retrouve l'affirmation de l'attribut de la création, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur. Et on retrouve également l'affirmation de l'attribut du savoir, de la science. Et on se rend compte qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant de ce qui concerne ses serviteurs qu'eux-mêmes ne le sont. Puis le Cheikh a abordé la parole de l'auteur, toujours tirée de ce passage coranique, que j'ai traduit donc de manière approximative par « et il est plus proche de lui que sa veine jugulaire ». Il faut savoir que cela a été expliqué par nos pieux prédécesseurs de deux manières. La première consiste à affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est proche de ses serviteurs. Et cette proximité est une proximité liée à son savoir et à sa science. Et la deuxième des explications, la deuxième des manières d'expliquer cela, c'est que ce qui est visé ici, c'est la proximité des anges scribes, sachant que nous avons à nos droites et gauches des anges qui inscrivent ce que nous faisons. Et ce serait, selon cette deuxième explication, ce qui serait visé dans ce passage coranique qui a été ici repris par l'auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis donc le Cheikh a abordé le restant de ce passage dans lequel l'auteur a dit qu'il n'y ait pas une feuille, il n'y a pas une feuille qui ne tombe sans qu'il en ait le savoir, ni une graine qui ne tombe dans les ténèbres de la terre, ni quoi que ce soit qui ne soit humide ou sec sans que cela ne soit inscrit dans un registre manifeste. Et il a expliqué ici que c'était là une manière d'exprimer et d'affirmer la perfection du savoir d'Allah tabaraka wa ta'ala, et également que tout est au préalable écrit dans un registre manifeste, et le registre manifeste visé ici, c'est la table gardée, al-lawh al-mahfouz. Je reviens sur un bref passage que j'ai omis de mentionner concernant la deuxième manière d'expliquer le fait que Allah taba ou le fait de dire wa huwa aqrabu ilayhi min habl al-warid, na'am, et de dire que cela vise les anges scribes. Ce n'est en rien une interprétation blâmable, car cela est basé sur un fait concret, à savoir, comme nous avons pu le voir, que nous avons des anges à droite et à gauche qui inscrivent. Et cela ne rentre en rien dans ce que l'on appelle al-ta'wil al-madhmoum, c'est-à-dire l'interprétation blâmable. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. في هذا أو في هاتين الجملتين، الجملة الأولى إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وبالمقابل ما يقتضيه أن الاستواء أيضا يكون على العرش كما قلنا قبل ذلك. والاستواء من الصفات الفعلية، يستوي الله سبحانه وتعالى متى شاء ومتى أراد. والعرش هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، فاجتمع في هذا الأمر ثلاثة أشياء: إثبات العرش والاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال في العبارة الثانية والجملة الثانية: على الملك احتوى. هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بمعنى الاستيلاء، والاستيلاء هذا يقتضي منه أنه كان يوجد، تعالى الله عن ذلك، يوجد إله قبل الله سبحانه وتعالى، فحصلت المغالبة فاستولى الله على هذا العرش، وهذا كلام لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. نعم. Donc on continue, inshallah ta'ala, l'explication ala al-arsh istawa wa ala al-mulk ihtawa. C'est-à-dire qu'il siège sur le trône et que sa puissance s'étend à tout son royaume. Ici donc nous avons l'affirmation de l'existence de cette créature qui est al-arsh, le trône. Et également l'affirmation qu'Allah est établi ou élevé sur ce trône. Cet attribut est un attribut d'action. Un attribut d'action. De ce fait, se décompose en plusieurs catégories. Ici, on a la catégorie qui est l'attribut d'action. Sifa fi'liya. C'est-à-dire qu'Allah s'établit ou s'élève sur le trône lorsqu'il le veut. Lorsqu'il le veut. Et l'arche, c'est le toit des créatures. C'est-à-dire que c'est la créature la plus élevée. Saqf al-makhluqat. Et ici, donc, on a également l'affirmation qu'Allah est élevé. Sifa al-ulu, comme on a vu auparavant, qu'Allah est élevé subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer, on peut affirmer trois choses ici. Que sa puissance s'étend à tout son royaume. Ici, si vous voulez, il y a une précaution ihtiraz, c'est-à-dire que c'est pour se mettre à l'abri de ceux qui disent que ma'na al-istiwa, le sens de l'élévation, l'établissement d'Allah sur le trône, c'est l'istila. Et l'istila, c'est-à-dire le fait de prendre possession du trône. Ce qui laisserait sous-entendre, si on expliquerait l'istiwa par l'istila, qui est une explication qui est erronée, mais si on l'expliquerait de la sorte, ou si on l'expliquait de la sorte, eh bien cela laisserait sous-entendre comme s'il y avait une divinité avant Allah sur le trône, puis hasalat mughalaba, c'est-à-dire qu'Allah a pris le dessus sur cette divinité et qu'il s'est approprié le trône alors qu'au début ce n'était pas sa propriété. Ce qui est une croyance qui est totalement erronée. C'est pour ça que l'auteur a rajouté donc cette phrase derrière, que son royaume s'étend. Que son royaume s'étend. Il siège sur le trône et que sa puissance s'étend à tout son royaume. Wallahu a'lam. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، وكلها حسنى أي كاملة، كاملة الحسن. وله الصفات كذلك العلى، ويجوز التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما جاء في الحديث: اللهم إني أتوسل إليك، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي مثلا حاجتي، إلى آخره. فيجوز الإنسان أن أو الداعي أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، لأنها كلها حسنى وكلها عليا. صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات على، صفات على. نعم. Suite à cela, donc le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, a expliqué les propos de l'auteur, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à lui. Walahul Asma al-Husna wa Sifatul Ula. À lui appartiennent les noms les plus beaux et les attributs les plus hauts. Il a donc expliqué qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a affirmé concernant son propre être les noms les plus beaux. Ce sont les noms les plus beaux dans le sens où ils sont parfaits. Sachant qu'il est permis de prendre ces noms comme intermédiaires lorsque nous invoquons Allah Tabaraka wa Ta'ala, à titre d'exemple, en disant « Oh Allah, je t'invoque par le biais de tes noms les plus beaux et de tes attributs les plus hauts afin que tu m'aides dans telle ou telle affaire. » Donc, on retient ici qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala à lui revienne et appartienne les noms les plus beaux et les attributs les plus hauts ou les plus éminents. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يعني يقصد المؤلف بهذا الكلام أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى أزلية بأزليته سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل هو الأول، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، كذلك أسماؤه وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى، فهي أزلية بأزليته. ثم قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، هذا احتراز من المؤلف، فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق بل هو الخالق، كذلك أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهم المخلوقين. فلا شيء من أسمائه وصفاته مخلوقة، وكذلك يؤخذ منه القرآن الكريم، فهو ليس بمخلوق إنما هو منزل. Donc le Cheikh Fakhrullah Ta'ala continue donc l'explication avec le passage où l'auteur Rahmatullahi Alayhi dit qu'à lui appartiennent les noms les plus beaux, Al-Asma Al-Husna, et les sublimes attributs, Al-Sifat Al-Ula, qu'il n'a jamais cessé d'être avec tous ses attributs et tous ses noms. Voilà, c'est ça le passage, qu'il n'a jamais cessé d'être avec tous ses attributs et tous ses noms, et qu'il est trop haut pour que ses attributs aient été créés et ses noms inventés. Je répète donc le passage, qu'il n'a jamais cessé d'être avec tous ses attributs et tous ses noms, qu'il est trop haut pour que ses attributs aient été créés et ses noms inventés. Il dit ici donc, l'auteur rahimahullah ta'ala parle donc des noms et des attributs, continue, en citant le caractère azali, l'azaliya, c'est-à-dire que à l'infini à l'avant. Comme Allah n'a pas de début, eh bien ses attributs, c'est pareil, ses noms, c'est pareil. Il est premier. Il est le premier sans début et il est le dernier sans fin. Donc ses noms et ses attributs sont incréés, ils ne sont pas créés. Et tout ça c'est ihtiraz, comme on a cité avant, c'est pour se mettre donc à l'abri du fait de dire que ses noms ou ses attributs sont apparus à un moment ou ont été créés à un moment, etc. Comme Allah est le créateur de toutes choses, il n'est pas créé. Eh bien, ses attributs et ses noms, c'est pareil. Comme lui, il est incréé, ses noms, ses attributs, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien parmi ses noms et ses attributs qui ont été créés, et on peut rajouter à cela de manière plus spécifique le Coran qui est la parole d'Allah, qui a été révélé, qui a été descendu, mais ce ne sont pas des paroles qui ont été créées, c'est un de ses attributs qui est également incréé. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. هنا ضرب المؤلف مثال على أن الصفات ليست مخلوقة، من هذه الصفات صفة الكلام، فالكلام ليس بمخلوق، واجتمعت في هذه الصفة صفتان، صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فالصفة الذاتية أنها ملازمة لله سبحانه وتعالى، فهي من صفاته التي لا تنفك عنه، لكن باعتبار آخر يتكلم متى شاء، حينما يوحي إلى الأنبياء والرسل يتكلم، وليس الله سبحانه وتعالى يتكلم في كل حال وفي كل وقت، لكن يتكلم متى ما أراد، فهي باعتبار صفة ذاتية أنها من صفاته سبحانه وتعالى، وصفة فعلية أنه متى أراد أن يتكلم يتكلم، فهذه الصفة ليست بمخلوقة. نعم. Puis le cheikh a continué, qu'Allah le préserve, concernant le passage dans lequel l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a parlé à Moussa, c'est-à-dire Moïse, en lui adressant sa parole, qui est un des attributs de son être, et non pas une créature parmi ses créatures. Le cheikh donc d'expliquer ici que cet attribut-là, celui de Al-Kalam, traduit approximativement par la parole, l'attribut de la parole, est dans un sens un attribut d'essence, c'est-à-dire un attribut relatif à son être. Et dans un autre sens, sous un autre angle, c'est un attribut qui est lié aux actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un attribut lié à son être, dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala s'est toujours caractérisé et est toujours caractérisé et le sera toujours par cet attribut, celui de la parole. Et c'est un attribut qui est lié à ses actions, dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala parle quand il le veut et de la manière qu'il le veut, dans le sens donc où les effets, les manifestations de cet attribut de la parole sont liés à sa volonté subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. يشير المؤلف إلى قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي هذا المقطع إثبات لصفة الرؤية، إثبات لصفة الرؤية، فلا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين ولا يراه إلا المؤمنون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون هذا القمر أمون في رؤيته. إيش معنى لا تضامون في رؤيته؟ يعني ما أحد يغطي على الآخر. القمر لما يكون في الأعلى النور مثلا، هل أحد يغطي على الآخر؟ كذلك الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون كلهم بوضوح وبجلاء يوم القيامة. وانقسم الناس في الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهم المعتزلة والخوارج، وهذا طبعا غير صحيح. الصوفية القسم الثاني أثبتوا الرؤية لله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا باطل لأنهم توسعوا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي، فقالوا أو نفوا الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بدليل قوله تعالى: لن تراني. وأثبتوا الرؤية فين؟ في الآخرة للمؤمنين، أنهم يرون ربهم كما جاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته، وكما جاء في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. Donc ensuite le cheikh Jazakallahu Khairan continue l'explication avec le passage qui cite Moussa alayhi salatu wassalam, et le fait que Moussa alayhi salam, comme on va le voir dans le verset, a demandé à Allah de se manifester pour qu'il puisse le voir. Et donc l'auteur rahimahullah fait allusion au verset 143 de la sourate numéro 7 Al-A'raf, dans laquelle Moussa alayhi salam cite: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, Al-Jabal. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Verset 143, la sourate numéro 7, la sourate Al-A'raf. On a donc dans ce verset l'affirmation de Ru'ya, le fait qu'Allah sera vu. Le fait qu'Allah sera vu à la résurrection par qui? Par les croyants. Et par les croyants uniquement. Comme ceci est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a cité Innakum satarawna rabbakum, c'est-à-dire que vous verrez votre Seigneur à la résurrection comme vous voyez la lune. La tudhammuna fi ru'yatihi, c'est-à-dire que il n'y en a pas un parmi vous qui couvrira une autre personne. C'est comme la lune, quand vous regardez la lune. Il n'y a personne qui peut couvrir ou qui peut vous empêcher de voir la lune, car la lune elle est vue au loin. Donc là, c'est pareil, personne ne couvrira ou ne pourra couvrir un autre concernant la vision. Et donc à ce propos, les gens se sont divisés en trois catégories. Deux extrémités, les extrémistes et ceux qui sont restés au milieu. La première fraction, ce sont les Mu'tazila et les Khawarij, qui ont dit qu'Allah ne sera vu ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Allah ne sera vu ni ici-bas, ni dans l'au-delà. La deuxième fraction, ce sont les Sufis, les Soufis, qui ont dit qu'Allah est visible et on peut le voir ici-bas, et on peut le voir également dans l'au-delà. On peut le voir ici-bas et on peut le voir également dans l'au-delà. Et donc, ces deux idéologies, ces deux croyances sont erronées et fausses. Et les gens de la Sunna sont au milieu, entre Al-Ghali et Al-Jafi, entre celui qui allait à l'extrême droite et celui qui allait à l'extrême gauche. Et ils ont dit que Allah ne peut pas être vu ici-bas, mais il sera vu par les croyants dans l'au-delà. Concernant ici-bas, leur preuve, c'est le verset 143 de la sourate 7, « Lantarani, tu ne pourras me voir, tu ne pourras me voir. » Et concernant le fait qu'il sera vu dans l'au-delà, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Innakum satarawna rabbakum » « Vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez la lune lorsqu'il y a la pleine lune. » « La tudammuna fi ru'yatihi » Donc comme on a dit avant, personne ne couvrira la vision de qui que ce soit. Et on a également le verset dans le Coran, le verset donc, les versets 22 et 23 de la sourate 75, Al-Qiyam à la résurrection, wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira, c'est-à-dire ce jour-là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Versets 22 et 23 de la sourate 75, Al-Qiyam à la résurrection. Et à travers cela on est médiane dans cette croyance. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن كلام الله عز وجل، بل كتب الله سبحانه وتعالى كلها منزلة، كلها منزلة، ومن الكتب المنزلة القرآن الكريم الفرقان، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالآيات في القرآن الكريم تدل أن القرآن منزل وليس بمخلوق، لأن المخلوق كما قال المؤلف يبيد، يعني ينتهي. المخلوق الإنسان لما يكون مخلوق ماذا يحصل له؟ فترة محددة وينتهي، يموت. فإذا قلنا أن القرآن مخلوق معناه سيأتي زمن أو وقت فيكون القرآن منتهي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالقرآن لا يبيد ولا ينتهي ولا صفة فينفد، يعني كذلك، لأن المخلوق الآن يقارن بين القرآن والمخلوق، فالمخلوق ينتهي وأما القرآن باقي ولا ينتهي ولا يبيد ولا يفنى. نعم. puis le cheikh Hafidahullah, qu'Allah le préserve, a commenté la parole de l'auteur, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à lui, dans laquelle il a dit: et le Coran, c'est la parole d'Allah. Il n'est ni créé pour ensuite disparaître, ni l'attribut d'une créature, auquel cas il s'épuiserait. Le cheikh de dire en commentaire ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit son livre comme ayant été descendu, révélé, comme nous pouvons le trouver donc dans certains versets coraniques, notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est: nous l'avons certes fait descendre durant la nuit d'Al-Qadr. Donc cela vise le Coran. Et il a également dit dans la sourate Al-Anbiya, à la traduction approximative du sens de sa parole: nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Donc nous retrouvons dans ces deux versets le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre son livre, le Coran. Et il faut savoir que le Coran, c'est donc sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'en aucun cas le Coran n'est créé. Et le fait qu'une chose soit créée implique nécessairement que cette chose prenne fin. C'est pour cela donc que l'auteur a dit ici: il n'est pas créé pour ensuite disparaître. Et il a continué en disant: et il n'est pas l'attribut d'une créature, auquel cas il aurait été amené à s'épuiser. Donc ici nous retrouvons l'affirmation, comme l'a appuyé le cheikh, du fait que le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui n'est pas créée. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله بعد أن ذكر عن أن القرآن منزل وغير مخلوق، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من خير وشر ومن معصية وطاعة. قدر المعصية بحكمته وعدله، وقدر الطاعة برحمته وفضله. وينبغي لطالب العلم أن يدرس هذا الركن دراسة مستوفية على أيدي العلماء الربانيين، لأنه كثير يخطئ فيه ويزلق فيه كثير من الناس، يعني ينحرفون عن هذا، عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهناك طائفتان ظلتا في هذا الباب، في هذا الباب: الطائفة الأولى القدرية، والطائفة الثانية الجبرية. والقدرية انقسمت إلى قسمين، طائفة أو فرقة أشد من الأخرى. قالوا الأولى أن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم. الثانية أخف منها، قالوا أن الله خلق الخير ولكن لم يخلق الشر، وهي وإن كانت أخف لكنهما حكم العلماء عليهما بالكفر. فالعبد ليس هو الذي يخلق عمله، العبد ليس. ولذلك قال ابن عمر لما أخبر عن هذه الفرقة، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله حلف يمين، والله لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذه العبارة هي التي أخذها ابن أبي زيد من نص هذا الحديث. لماذا؟ لأن القدرية جعلوا مع الله عز وجل شركاء غير محصورين غير محصورين، يعني كل عبد يخلق فعل نفسه، فكم من الخلق؟ يعني كثير. فتشبهوا بالمجوس ولكنهم زادوا عليهم. المجوس قالوا أن هناك إيش؟ خالقين، الشر والخير، الشر والخير، خالقين اثنين، هذا المجوس. لكن القدرية جعلوا كل عبد يخلق فعل نفسه، فكم جعلوا من المخلوقات؟ كثير، لا عد لهم ولا حصر. ولذلك العلماء قالوا عن القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة لهذا السبب. والجبرية ظلت أيضا في هذا الباب وقالوا أن الإنسان مجبور، مجبور يفعل، يعني مجبور على الفعل هذا، يفعل المعصية ويفعل الطاعة فهو مجبور، وضربوا مثل بذلك بالشجرة التي تصرفها الرياح، لما تأتي ريح تصرف هذه الشجرة، هل لها فعل أو لها إرادة أن تقف في وجه العواصف أم أنها تتحرك مع الريح؟ فقالوا هكذا الإنسان يتحرك مع الخير والشر. طبعا تشبيه رديء وباطل ولا يجوز، لأن الله عز وجل أعطى هذا الإنسان عقل وعطاه تفكير وهديناه النجدين، فيعني لا يجوز الإنسان أن يستدل بهذا، وليس بمجبور في بعض الأشياء، ليس بمجبور. نعم. Ensuite, l'auteur, rahmatullahi alayhi, continue en parlant cette fois du destin. Il faut croire à la prédestination, al qadr, du mal comme du bien, de ce qui est douceur comme de ce qui est amertume. Donc ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, parle du sixième pilier parmi les piliers de l'iman, qui est donc le destin, le fait qu'Allah a tout prédestiné, aussi bien le bien que le mal, aussi bien la ma'asiyah que la ta'a, c'est-à-dire la désobéissance que l'obéissance. Il a prédestiné la désobéissance de par sa sagesse et son équité, et il a prédestiné l'obéissance de par sa miséricorde et de par sa grâce. Et talib al-ilm, quelqu'un qui veut étudier et qui doit étudier, qui veut approfondir ce domaine, il doit l'étudier dans toute son intégralité, le domaine du destin, auprès des savants qui sont compétents pour enseigner ces choses-là, car beaucoup de personnes se sont perdues et se sont égarées à propos de ce point qui est le destin, et ils ont glissé et ils ont une croyance qui est erronée dans certains aspects du fait qu'ils n'ont pas étudié ceci dans toute sa profondeur. Donc il y a deux fractions qui ressortent à ce propos, deux fractions égarées, ce qu'on appelle Al-Qadariya et ce qu'on appelle Al-Jabriya. Al-Qadariya se décompose en deux, une catégorie qui est pire que l'autre, une catégorie qui est pire que l'autre. Donc ce sont ceux qui disent que Allah n'a pas créé le bien et il n'a pas prédestiné le bien, il n'a pas prédestiné le mal. Mais chacune parmi les créatures est l'auteur de sa création. C'est chacun, il crée ses propres œuvres et ses propres actes. La moins grave des deux dit qu'Allah a créé le bien, mais qu'il n'a pas créé le mal. Qu'Allah a créé le bien, mais qu'il n'a pas créé le mal. Malgré la distinction qu'il y a dans la gravité entre les deux, les savants ont considéré et ont établi comme verdict pour les deux le fait d'être mécréants. Les deux, leur croyance les mène à la mécréance. Ce n'est pas la créature qui crée ses propres actes. Ce n'est pas la créature qui crée ses propres actes. C'est pour ça que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, lorsqu'il a entendu parler d'eux, il a dit, informez-les que je me désavoue d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Ensuite, il a dit, Wallahi, la yajidu ahaduhum ta'am al-iman, c'est-à-dire, il a juré par Allah que l'un d'entre eux ne ressentirait pas, ne goûterait pas à la douceur de la foi jusqu'à ce qu'il croie à la prédestination, al-qadr, du mal comme du bien, de ce qui est douceur comme de ce qui est amertume. Et on remarque que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a pris textuellement les mêmes mots qui sont venus dans ce récit de Abdullah ibn Umar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma. C'est pour ça que les ulama, les théologiens ont établi une ressemblance pertinente entre Al-Qadariya et Al-Majus. Al-Majus qu'on traduit en général par les mages. Quelle est la particularité des mages? Le fait qu'ils disent qu'il y a deux créateurs. Il y a un créateur qui a créé le bien et il y a un créateur qui a créé le mal. Eh bien, Al-Qadariya, ils ont cet aspect comme on vient de le voir selon les deux catégories que l'on vient de citer. Donc ils ont établi que chacun, il crée ses propres actes. Donc les créateurs sont très nombreux selon leur idéologie ou leur croyance. C'est pour ça donc que les ulama, les théologiens, les ont fait ressembler aux majus. Et ils ont dit que ce sont les majus de cette nation. Parmi les gens qui s'attribuent à l'islam, ce sont eux les mages de cette nation. La deuxième catégorie donc c'est Al-Jabriya, qui disent que l'être humain n'a aucun choix. Il ne peut choisir de quoi que ce soit. Il est majbour. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de volonté à ce propos. Il n'a pas de choix de faire la désobéissance comme il n'a pas de choix, c'est-à-dire il n'a pas de choix de commettre un péché comme il n'a pas de choix de commettre une obéissance. Il n'est pas responsable, si vous voulez en d'autres termes, il n'est pas responsable de ses actes. Il n'est pas responsable de ses actes. Or, cette croyance, ils ont dit que c'est comparable à un arbre ou des branches d'arbres qui n'ont aucune volonté face au vent. Le vent, s'il souffle d'un sens ou d'un autre, eh bien il emporte avec lui ou il fait pencher d'un côté ou d'un autre cet arbre ou les branches. Ils ont dit l'être humain c'est exactement pareil. Cette croyance est radia, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise, elle est erronée et corrompue, car l'être humain, Allah lui a donné une raison, il lui a donné une réflexion, il réfléchit selon les choses et il a un choix dans différents domaines. Il a le choix de faire ou de ne pas faire. Il a le choix de faire ou de ne pas faire. Comme Allah a dit dans la sourate Al-Balad, sourate 90, le verset numéro 10, à propos de l'être humain, il dit « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies ?» Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Donc la sourate Al-Balad l'a cité, sourate 90, verset numéro 10. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما زال الكلام موصول عن مسألة الإيمان بالقدر. فقال المؤلف كل ذلك قد قدره الله ربنا، كتب هذا الشيء كما جاء معنا في الحديث. ثم قال ومقادير الأمور بيده. مقادير الأمور، أمور العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يتصرف فيها وهو المتصرف في الدنيا والبرزخ والآخرة، ولا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعين هذا العبد أعانه، وإذا أراد أن لا يعينه لا يعينه سبحانه وتعالى. فهذا مراد المؤلف. ثم قال ومصدرها عن قضائه. مصدرها عن قضائه يعني لا شريك مع الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المعين، ليس معه سبحانه وتعالى معين، فيدبر هذا الكون ويدبر المخلوقات ورزقها وتصرفاتها سبحانه وتعالى. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، وهذا مأخوذ من الحديث لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le préserve, a commenté donc la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il a dit « Toute chose a été prédestinée et décrétée par Allah, notre Seigneur souverain. Et la destinée de toute chose est entre ses mains et émane de son décret. Il détient le savoir de toute chose avant même qu'elle ne soit, et c'est ainsi qu'elle évolua selon son décret. » Jusqu'à donc la fin du passage en question. Le cheikh donc a expliqué cela en disant donc qu'ici ce qui est visé donc par les destinées de toutes choses, ce sont les affaires des serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala a donc tout prédestiné et décrété. Il est notre Seigneur souverain. Et les destinées de toutes choses, et la destinée de toutes choses est entre ses mains. Et toutes choses ici, cela vise les affaires des serviteurs dans les trois demeures, que ce soit dans ce bas monde, dans le monde intermédiaire ou dans l'au-delà. Il faut savoir que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut accorder son aide à un de ses serviteurs, il le fait. Et lorsqu'il veut en priver son serviteur, il l'en prive. Et que le serviteur ne peut agir en réalité que selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui dirige tout et qui a trait aux affaires de sa création. Et tout cela donc émane de son décret. Et il détient le savoir de toutes choses avant même qu'elles ne soient. Et c'est ainsi qu'elle évolua selon son décret. Et cela est tiré du hadith qui a déjà été mentionné précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah a créé la plume, la première des choses qu'il lui a ordonné, c'est d'écrire. Et elle a dit, que dois-je écrire? Et il a dit, écris la destinée de toute chose. Écris la destinée de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله يظل الله من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء ويوفقه بفضله هذا هو الحق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال فمن شاء أن يهديه ويشرح صدره هداه الله سبحانه وتعالى إذا أتى بأسباب الهداية ومن أراد أن يضله أضله الله عز وجل ولذلك كما قال تعالى والذين اهتدوا هدى وآتاهم تقواهم ولذلك ينبغي للإنسان أن يبذل أسباب الهداية أن يبذل أسباب الهداية ويأتي بها من أجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الطريق أما أن يقول أسأل الله عز وجل أن يهديني وهو مكب على المعاصي ومرتكب لها فهذا لا يهتدي ولا يهدى لهذا الطريق فلا بد أن تأتي بأسباب الهداية من أجل أن الله عز وجل يوفقك ويزيدك في الهداية وفي الخير نعم Donc le cheikh Hafidhahullah Ta'ala continue son explication avec les paroles de l'auteur. L'auteur Rahimahullah Ta'ala, il dit dans sa justice, il égare, ou de par sa justice, il égare qui il veut et il l'abandonne. Et de par sa grâce, il dirige qui il veut dans la bonne voie et il l'assiste. Donc voilà la croyance des gens de la sunna à ce propos, c'est que le hidayah wal idlal biyadillah il kabir il muta'al. C'est-à-dire que le fait qu'Allah guide, le fait qu'Allah égare, c'est de par c'est détenu par lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui accorde la guidée et c'est lui qui accorde également l'égarement. Et il facilitera et appropriera à son adepte, à l'adepte de la guidée, les causes de la guidée, et à l'adepte de l'égarement, les causes de l'égarement. Conformément au verset dans Sourate Muhammad, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Le verset 17, la Sourate numéro 47, la Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Verset 17, Sourate 47. Donc les causes, il faut mettre en pratique les causes de guider. Il ne faut pas non plus seulement se reposer sur des invocations, demander à Allah de nous guider, de nous mettre sur la droiture, alors que l'on reste nuit et jour et de manière totale et intégrale, plongé dans les péchés sans chercher à réformer sa voie et ses agissements. سؤال صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هل هي صفة فعلية أم صفة ذاتية أم صفة فعلية ذاتية؟ عندكم ثلاثة خيارات. قبل الجمال. نعم اختار شيخ. جمال. من هو الجمال؟ الجمال هذا الأسمراني. جمال أجاب أجاب. أجاب أجاب. جمال أجاب أدى الجائزة. أدى الجائزة. طيب هم الأبيضاني. أنت ارفع صوتك لو سمحت. باعتبار يعني صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر يعني أنها ملازمة لله سبحانه وتعالى ولكنه يتكلم متى شاء. أحسنت. طيب السؤال الثاني رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية الله سبحانه وتعالى ظلت فيها فرقتين والثالثة كانت على صواب ما هي الفرق؟ la question sur la الرؤية sur la vision il y a une fraction qui a une croyance qui est juste et deux fractions qui ont des croyances qui sont erronées qui c'est qui peut nous citer ceux qui disent juste et ceux qui disent faux أنت أخير إن أول مرة فع كده أنت أي نعم نعم الأولى إيش المعتزلة والخوارج إيش يقولون ينفون أحسنت ينفون الرؤية في الدنيا وفي الآخرة والصوفية توسعوا وأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة طيب ما هي الفرقة التي يعني أيوة أحسنت ما هو دليلهم في الدنيا لن تراني ممتاز طيب ما هو الركن أو كم أركان الإيمان وما هو الركن الذي تحدث عنه المؤلف يلا شيخ اختار أنت أركان الإيمان ستة أحسنت والركن الذي تحدث عنه يعني المؤلف هو الإيمان بالقدر خيره وشره أحسنت أحسنت ممتاز سؤال شيخ خلاص أنا اكتفيت خلاص نعم هذا عند سؤال شيخ تفضل لكن le cheikh a demandé sur les piliers de la foi combien sont les piliers de la foi des arcanes de l'iman et l'auteur est en train de parler de quel pilier donc le frère il a répondu juste en disant les piliers de la foi sont au nombre de 6 et l'auteur est en train de parler du 6e et dernier pilier qui est le fait de croire au destin bon soit-il ou mauvais est-ce que le Coran est créé ou est-ce qu'il a été seulement révélé on ne dit pas qu'il est créé en apportant une preuve à votre réponse une preuve et une explication ها لا نبغاك يختار الشيخ تفضل اجب لا تستطيع تفضل يعني منزل ولا مخلوق منزل ما فيش مخلوق ممتاز ممتاز احسنت ما هو الدليل ان انزلناه في ليله القدر طيب السبب أنه غير مخلوق لو قلنا مخلوق إيش يصير يعني يا سلام ممتاز معنى ذلك أن القرآن ينتهي يعني فترة معينة وينتهي لكن القرآن لا ينتهي لا يبيد ولا يفنى ممتاز يغيرون في ايش في القران اليهود ايه يحافظون على كتابهم بس ويتركون القرآن ما لهم دخل يحافظون بس على كتابهم من التحريف والتأويل ولا لا يتدخلون ها تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يجوز أن يقال هذا أبدا بل الواجب على المسلم أن ينتمي إلى الجماعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال الجماعة وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الحديث إلى اتباع الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد فالذي يقول لا ننتمي فعلا نحن لا ننتمي إلى هذه الجماعات التي انحرفت وابتعدت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما علينا أن نتبع كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فنحن مطالبون باتباع من؟ باتباع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأيضا إتماما لكلام الشيخ نقول لهم طيب وماذا نتبع؟ إذا لم نتبع منهج السلف الصالح أي طريق نتبع كلنا مسلمون طيب ألا يوجد خير وشر ألا يوجد فرق كما التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها هل نسميهم مسلمين هؤلاء الفرق كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يقول أن هذه الفرق كلها مسلمة ولكن حكم عليها بالنار كلها في النار فهذا كلام غير صحيح يعني هذا منهج واسع وكما يقال أفيح يريدون أن يدخلوا أهل البدع تحت هذه المظلة الإخوان المسلمون التبليغ الأحباش وغيرهم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله حتى الشيطان قال لا إله إلا الله الشيطان هل هو مسلم ها طيب الله عز وجل لعنه فلا يقال هذا إذا كان على كلامهم هذا فالشيطان أيضا نقول له تعال معنا أنت مسلم فلا يقال هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح وهذا كلام باطل المقصود منه ليس الدفاع عن الإسلام بل المقصود منه إدخال أهل البدع في هذه القاعدة نعم الفرير il a demandé quelle est votre réponse à ceux qui disent que il faut pas يعني c'est quoi la question exactement Non. Donc il y a des gens qui disent qu'on est tous musulmans et on n'a pas le droit de dire faut suivre la voie des prédécesseurs ou la voie d'un tel, la voie d'un tel. On est tous sous le même étendard, on est tous pareils. Il ne faut pas faire de distinction et de différence. Le Cheikh Abdelhadi Hafidhahullah a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, dans un hadith, il a cité que les juifs se sont divisés en 71 fractions, que les chrétiens en 72 et que sa nation allait se diviser en 73. Et il a cité que toutes seront en enfer, sauf une. Ils ont demandé de qui s'agit-il. Il a répondu dans une version al-jama'a et dans une autre version, qui clarifie le sens, il a dit ce sont ceux qui sont sur ma voie ainsi que celle de mes compagnons. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint quelque chose, a enjoint de suivre quelque chose de bien précis. Et dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, celui qui vit, certes, celui qui vivra parmi vous verra d'énormes divergences. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, attachez-vous, cramponnez-vous à ma sunna, à ma voix, ainsi que celle de mes califes ou des califes bien guidés après moi, mordez-y à pleines dents jusqu'à la fin du hadith. Donc le fait de dire qu'il ne faut pas s'attribuer à ces fractions, c'est effectif et non effectif, oui c'est effectif dans le sens qu'on ne s'attribue pas à ces différentes sectes, ces différentes voies qui suivent autre que la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dans le Coran, il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, le verset 100 de la sourate numéro 9 التوبة, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, qui les ont suivis dans le bien. Quelle est leur finalité? Allah les agrée et il l'agrée. Allah les agrée et il l'agrée. Le fait de les suivre dans le bien. Ensuite, le Cheikh Fawaz, wafaqahullah ta'ala, ajoute à cela que si on ne doit pas suivre les pieux prédécesseurs, on ne doit pas suivre quelqu'un ou une idéologie, une croyance bien précise, alors on doit faire quoi? N'existe-t-il pas le bien et le mal? Est-ce qu'on ne doit pas faire la distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, ce qui est juste et ce qui est faux? Dans le hadith de mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les différentes fractions, ils sont musulmans, effectivement ils sont musulmans, mais il a dit qu'ils seront en enfer, ils sont voués à l'enfer. Donc ceux qui utilisent ce type de discours, ce n'est pas pour protéger l'islam, mais c'est juste pour élargir la voie et introduire les adeptes des innovations avec les gens de la sunna. Ils veulent avoir un chemin qui est plus un chemin mais qui est une voie à plusieurs chemin, plusieurs sentiers, et mettre tout le monde dans le même sac, tel que les frères musulmans, tel que Jama'at al-Tablir, tel que la secte des Ahbash, etc. Disent, on dit tous la ilaha illallah, on est tous sous le même étendard et on prononce tous la même phrase, etc. Or le diable lui-même affirmait cela, reconnaissait son Seigneur et affirmait cela, et malgré cela ce n'est pas un musulman, c'est pas quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau, tomber dans cette compréhension qui est erronée. ننبه الأخوة أنه سيكون هناك إن شاء الله حصة لفتح الأسئلة, فمن لديه سؤال يكتبه في ورقة, وإن شاء الله في هذه المحاضرة وهذه الجلسة نجيب على ما نستطيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد, والآن فسحة أو عطلة. Donc le Cheikh va faire une pause إن شاء الله. Restez assis jusqu'à ce que je termine. Barakallahu fikum. On va faire une pause jusqu'à donc 18h comme c'est prévu. Et on reprendra inchallah à 18h. Pour ceux qui ont des questions, évitez de les poser de manière orale, mais vous l'écrivez sur un, vous l'écrivez sur un papier et il y aura une séance de questions-réponses bien précise. Il y a un téléphone qui est devant depuis la prière, depuis le cours de ce matin, ZTE noir. Quelqu'un l'a fait tomber ou l'a perdu, qui vient le chercher. Il y a une carte d'hôtel également, premièreclasse.com, si quelqu'un a perdu sa carte d'entrée d'hôtel, qu'il vienne la chercher également devant. Donc il y a repos inshallah ta'ala jusqu'à 18h. On fera la prière de Asr ici et on reprendra à peu près à 18h inshallah. Barakallahu fikoum. Abqou qalilan.